Si tu choisis cette méditation, c'est parce qu'une émotion en toi t'envahit et que tu aimerais la transformer pour t'apaiser. Choisis une émotion, celle que tu désires soustraire, transformer, apaiser. Ça y est, tu as choisi. Ferme tes yeux maintenant. Installe-toi confortablement. Prends trois grandes respirations profondes. Tu peux déposer une main sur ton ventre. Tu vas inspirer jusqu'à ce que ta main se soulève. Et expirer lentement. Lentement. Inspire lentement et tu expires longtemps. Comme si tu voulais allonger ta respiration. Tu ressens que ta respiration est comme une vague qui te berce de l'intérieur. Ressens ta tête apaisée. Tes bras. Tes jambes. Et à l'intérieur de toi maintenant, je vais t'inviter à imaginer, à ressentir ou à visualiser une balayeuse magique. Une toute petite balayeuse qui a le pouvoir de ramasser toute la poussière de cette émotion que tu as choisie. Imagine que tu diriges cette petite balayeuse dans ta tête et qu'elle ramasse toute cette poussière partout, dans tous les petits coins de ta tête. De ta nuque. De ton cou. Respire profondément. Dirige la petite balayeuse aussi dans ta gorge. Tout se fait naturellement. Dirige-la maintenant dans tes bras. Jusque dans tes mains et au bout de tes doigts. Dans les deux bras, prends le temps. Tu respires profondément pendant que ce travail se fait de façon naturelle. dirige maintenant la balayeuse magique dans ta cage thoracique. Et laisse-la ramasser toute la poussière de cette émotion. Jusqu'au bas de ton ventre. Dans ton bassin. Dans tes jambes. Jusque dans tes mollets, tes pieds. Jusqu'au bout de tes orteils. Cette poussière est peut-être de différentes couleurs. Tout est parfait. Tout entre dans cette petite balayeuse magique sans problème. Maintenant que tu as tout ramassé, t'invite à sortir le sac magique, cette balayeuse de ton ventre. Imagine que tu le prends dans tes mains et tu le brasses comme un sac magique. Toute la poussière de cette émotion va se transformer en un objet ou un symbole. Pourra ouvrir le sac et découvrir qu'est-ce qui est là. Même si c'est farfelu, tu l'accueilles avec joie. Je t'invite à déposer dans une de tes mains, paume vers le haut, cet objet ou ce symbole. Je vais t'inviter à ouvrir l'autre main à ses côtés. Prendre une grande respiration. Et tu verras un second symbole se déposer dans cette autre main. Par magie. Sans te poser de questions, je t'invite maintenant à unir ces deux symboles. Unis tes deux mains et laisse ces deux symboles se transformer un avec l'autre. Respire profondément et laisse la magie opérer. Respire. À ouvrir tes mains à nouveau et découvrir un nouveau symbole ou un objet. Accueille reprendre ce nouveau symbole et le déposer dans ton ventre. Respire profondément et laisse l'énergie de ce nouveau symbole se déposer partout à l'intérieur de toi, de la tête aux pieds jusqu'au bout des doigts, comme un parfum. Laisse-le imprégner ta tête, tes bras, tes jambes. Toute ta cage thoracique. Partout. Peut-être est-ce qu'une nouvelle couleur se présente. Tout est parfait. Nouvel état, ce nouveau ressenti en toi. Quand tu es prêt, à ton rythme, tu pourras bouger les pieds et les mains. Tu pourras ouvrir les yeux.